Mer montante. Le soleil semble un phare à feux fixes et blancs. Du Raz jusqu'à Penmar, la côte entière fume. Et, seuls, contre le vent qui rebrousse leurs plumes, à travers la tempête, errent les goélands. L'une après l'autre, avec de furieux élans, les lames glauques, sous leurs crinières d'écume, dans un tonnerre sourd s'éparpillant en brume, empanachent au loin les récifs ruisselants. Et j'ai laissé courir le flot de ma pensée, rêve, espoir, regret de force dépensée, sans qu'il en reste rien qu'un souvenir amer. L'océan m'a parlé d'une voix fraternelle, car la même clameur que pousse encore la mer monte de l'homme au Dieu, vainement éternel.